En Corée du Sud, divers milieux et couches sociaux renforcent la lutte anti-américaine à l'occasion des 51 ans de l'accord d'administration sud-coréen-américain. À ce propos, le porte-parole de la direction nord du comité pan-national d'enquête spéciale sur les dessous des crimes des GIs a lancé le 13 courant une communication. En voici le résumé. La lutte anti-américaine des formations civiles et des Sud-Coréens de plus en plus dynamique est l'explosion de la rancune de longue date du peuple sud-coréen contre les agresseurs américains qui ont commis durant plus de 50 ans en Corée du Sud toutes sortes de crimes comme homicides et pillages en vertu de cet accord. Cette convention octroie le droit inaliénable à l'armée d'occupation. De nos jours où l'humanité aspire l'indépendance, l'existence d'un tel accord est vraiment un déshonneur national. Étant donné que Park Geun-hye, traîtresse pro-américaine, soit destituée par la population, l'annulation de cet accord humiliant s'impose de toute urgence. Mais tout comme les pouvoirs précédents, l'actuel gouvernement sud-coréen tente de faire stationner à jamais les GIs en Corée du Sud sous prétexte d'intensification de l'alliance avec les États-Unis. Les GIs sont l'auteur de la séparation nationale et de toutes sortes de malheurs et de souffrances du peuple coréen. Si les autorités sud-coréennes poursuivent le servilisme pro-américain et la confrontation fratricide à la recherche de leur issue, tout en considérant les GIs comme sauveurs, elles partageront certainement le même sort que Park Geun-hye, traîtresse pro-américaine sans précédent.